بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا بحث مختصر في أحكام السترة plusieurs points quelques règles concernant la sutra في الصلاة ومثل هذه المسائل فعلى المسلم أن يجتهد في تعلمها Un musulman doit faire beaucoup d'efforts pour apprendre son din عموماً وما يتعلق بالفرائض بالأخص surtout ما يتعلق بأركان الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم apprendre هذا العلم c'est une obligation pour chaque musulman والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر صلوا كما رأيتموني أصلي رواه الإمام البخاري في الصحيح عن مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه فمن الأحكام المهمة المتعلقة بالصلاة أحكام السترة أي parmi les choses qu'on doit apprendre concernant الصلاة ما يتعلق بالسترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة C'est un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم qu'on doit faire salat avec une sutra. ففي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. On ne doit pas minimiser Ce genre de ahkam, ne pas donner d'importance. فَفِي طَاعَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَرَكَةٌ عَظِيمَةٌ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا Si vous obéissez au prophète صلى الله عليه وسلم, vous serez guidé. أما البعض, certaines choses qui pour eux c'est pas important, ils minimisent. حتى on entend أحيانا البعض يقولون mais c'est qu'une sunna. ولو c'est une sunnah, c'est min dini al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et appliquer les ordres, que ce soit des obligations ou des choses recommandées, fi hadhihi at-ta'a barakatun wa naf'un wa khayrun lil mu'min. Qala Allahu 'azza wa jalla qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si Vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a légiféré, فهذه السترة. أولاً, on cite un ta'rif, une définition de c'est quoi السترة. السترة, dans notre sujet par rapport à salat, هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. C'est une chose que tu vas placer devant toi pour que personne passe entre toi et cette sutra. Ça peut être un mur, ça peut être un pilier, ça peut être un bâton, ça peut être beaucoup de choses. هذا التعريف من توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمة الله عليه. هي ما يجعله المصلي بينه أو أمامه لمنع المرور بين يديه. C'est pour que personne passe entre lui et cette sutra. وهذه السترة لها حكم كثيرة. ذكرها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Parmi les choses qu'il a citées رحمة الله عليه, أولا تمنع نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها. Et si quelqu'un passe Derrière cette sutra, et il ne passe pas entre toi et ta sutra, alhamdulillah, ta salat, elle n'est pas annulée, ou la récompense, elle est diminuée. Et on verra un chapitre, incha'Allah ta'ala, dans cette kalima, par rapport à cette mas'ala. Est-ce que celui qui passe entre toi et la sutra, ta salat, elle est annulée, amla. Thaniyan, deuxième point, annaha tahjubu nazar al-musalli wa la siyama idha kanat shakhisa. أي لها جرم فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره كذلك ça va t'aider à te concentrer خاصة si c'est une sutra élevée comme un mur comme un pilier ton regard il sera pas distrait par autre chose. Ça c'est min hikm as-sutra كذلك. Et c'est une hikma azima. أن فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه. C'est un suivi de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. لا تصلي إلا إلى سترة. فمن حكم هذه السترة c'est d'obéir à notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans ce point et on doit espérer la récompense. فالسلوي كيف الصلاة. Et il a placé une sutra devant lui, imtithalan li amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ikhlasan lillahi jalla wa ala. Il est récompensé. Il est récompensé pour son intention et pour son acte d'avoir placé cette sutra devant lui. Amma hukmuha, ay est-ce que c'est obligatoire am la? Fa ikhtalafa ahlul ilm fi hadhihi al-mas'ala. Les savants de la sunna, ils ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال أن السترة مستحبة. Certains savants ils ont choisi le قول أنها elle est obligatoire et d'autres ils ont choisi أنها elle n'est pas obligatoire, c'est recommandé. على كل حال, ça fait partie de notre din et de sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne doit pas négliger ça. Que ça soit obligatoire ou recommandé, fait le musulman, il fait des efforts, fait tibar sunna. Amma faire que les choses obligatoires, hada fil haqiqa, c'est min harb iblis pour éloigner le musulman de sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir des récompenses. Wa al-qawl as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, annaha wajiba, elle est obligatoire. Et on va citer quelques preuves pour appuyer le qawl أن السترة هي obligatoire. أولا حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه أو بينه أو قال ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. الشاهد من الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. C'est un ordre de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et كذلك le premier hadith qu'on avait cité, hadith d'Abdullah ibn Umar, لا تصلي إلا إلى سترة. نعم, hadith ibn Umar أخرجه الإمام ابن خزيمة et كذلك الإمام مسلم مختصرا. Et الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواية ابن خزيمة إلا صحه. فسيد حديث ils sont authentiques. وحديث أبي سعيد أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. Et كذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه مجمعين il a authentifié هذا الحديث. Donc on a plusieurs hadiths qui montrent que النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné un ordre. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وظاهر الأمر الوجوب. C'est une règle في الأصول أن la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obligation. Et quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne une chose, et il fait telle chose, la base c'est que c'est obligatoire. Sauf s'il y a une autre preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire. فَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامِ الشَّوْكَانِ هُنَا وَظَاهِرُ الْأَمْرَ الْوُجُوبِ. Et en apparence, c'est obligatoire. فَإِنْ وُجِدَ مَا يُصْرِفُ هَذِهِ الْأَوَامِرَ عَنِ الْوُجُوبِ لَنَّدْمِ فَذَاكَ. C'est un autre hadith qui montre que ce n'est pas obligatoire et c'est recommandé, فذاك. Et on prendra. لكن, الظاهر كما قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أن c'est obligatoire. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم il ne l'a délaissé pas, que ce soit في الحضر أو في السفر, quand il était résident أو voyageur. كذلك chez lui أو في المسجد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de laisser passer quelqu'un entre toi et cette sutra. Tout ça, ça montre والله تعالى أعلم أن القول الأقرب c'est que السترة elle est obligatoire. أما من قال أنها مستحبة, ils ont cité plusieurs hadiths ومنها certains de ces hadiths ضعيفة et d'autres ils sont صحيح pour montrer أن l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas للوجوب, c'est recommandé. Et ils ont cité مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. Ils ont cité ce hadith pour montrer que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait le salat بغيري أو إلى غير جدار. Un jidar c'est un mur. Enfin, ceux qui ont dit l'istihbab, ils ont cité ce hadith et ils ont dit ça montre que l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas obligatoire. Il y en a lui-même il a fait le salat. Il a غير جدار. Il n'était pas en direction d'un mur, comme أخبر ابن عباس رضي الله عنه. والحديث il est في الصحيحين. أما ceux qui ont dit بالوجوب من أهل العلم فقالوا أن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس il a informé أنه il a fait le salat et il n'était pas en direction d'un mur. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas une autre sutra? Là, ibn Abbas il a informé que sa sutra c'était pas un mur. Aroubama c'est autre chose. Donc hada ça suffit pas pour dire que les hadiths ou qu'il y a l'ordre c'est pas obligatoire. كذلك بعضهم ils ont cité une riwaya, une autre version, une autre narration de ce hadith, عند ابن خزيمة رحمة الله عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير شيء يستره. أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة en direction d'aucune sutra. أي dans ce hadith d'Ibn Abbas. لكن cette رواية فيها ضعف. Elle est ضعيفة جدا. فيها عبد الكريم ابن أبي المخارق. Et il est ضعيف جدا. Et d'autres hadiths qu'ils ont cités. Et في الحقيقة إما صحيحة لكن c'est pas des hadiths qui montrent que c'est pas obligatoire. إما c'est des hadiths ضعيفة. Une chose كذلك qui nous montre que cette sutra elle est obligatoire, c'est hirs al-sahaba radiyallahu anhum. Anna al-sahaba il délaissait pas al-sutra. Fahada Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aytu ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yabtadirun al-sawari. Al-sawari c'est les piliers fil masjid. Enfin, il a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun il cherche un pilier ay, pour faire salat. عند المغرب ay, après salat al-maghrib hatta yakhruju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou avant salat al-maghrib. Al-muhim c'était pas la salat obligatoire. Enfin, chacun il cherchait une sutra pour faire as-salat. Ça montre que les sahaba ils la délaissaient pas. Fala yanbaghi. في الحقيقة même si on choisit le قول أنها n'est pas obligatoire فلا ينبغي de la délaisser لأن فيها أجر عظيم. أثر أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري. وعن نافع رحمة الله عليه قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك. ابن عمر s'il trouvait pas de un pilier libre, ils étaient tous occupés ou il y avait pas de place. فرضي الله عنه كان يقول لنافع في partie de ses élèves رحمه الله tourne-toi et il faisait salat derrière lui. Ça montre أنه ما يدلس با السترة. الأثر هذا إلى في مصنف ابن أبي شيبة. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ينصب أحجارا في البرية أي الصحراء. Quand il était dans un endroit désertique, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de mur. Il prenait plusieurs pierres et il les plaçait l'une sur l'autre pour se faire une sutra. Ça montre أنهم يدلس با السترة حتى في هذا الحال. قال ينصب أحجارا في البرية أي الصحراء فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة أن السترة واجبة. لا السترة ألي أوبليغاتوار. ولا فرق بين العمران والصحاري. العمران سي البنيان. الصحاري سي لزندروا ديزيرتيك. لا باد ديفيرونس. ولو سيتي دون اندروا ايتي تو سول. Et tu sais, ou tu penses que personne ne va passer, tu es tout seul dans cet endroit, ou alors tu es dans une chambre tout seul, as-sutra li wajib. Alimada li anna qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il est am. La tusalli illa ila sutra. On n'a pas le droit de le spécifier de nous-mêmes, ou si on n'a pas de délit. Falladhi yadhhar wa as-sahih fi hadha annahu ya aucune différence entre un endroit où il y a du monde ou un endroit désertique. فلهذا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه il était dans cet endroit et il a placé des pierres حتى il a une sutra et il a fait الصلاة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوتار يعلم أن الظاهر حديث الباب عدم الفرق بين السحاري والعمران. أي البنيان. وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ سترة سواء كان في الفضاء أو في غيره. نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفزي بعد الديفيرنس. Il était en voyage ou il était chez lui ou fil masjid, il faisait toujours salat en direction d'une sutra. كذلك, ولو si tu penses que personne va passer, ولا on peut croire que personne va passer et واحد il passe. إما un animal, إما un enfant, إما un adulte, إما quelqu'un rentre dans cette pièce, même si c'est un endroit désertique, ربما un animal que tu n'as pas vu il passe. ففي هذا نظر de dire que أنه si je pense qu'il n'y a personne, pas de sutra là. هذا c'est pas صحيح. فالصواب c'est qu'il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, en voyage, ou si l'insan il est résident, ou il pense qu'il n'y a personne, à la kulli hal, il fait salat en direction de as-sutra. كذلك, une autre mas'ala liée à ce point, la farq bayna Mekka wa ghayriha. Ba'd ahl al-ilm, ils ont différencié entre Mekka wa ghayr Mekka. لماذا لأن مكة في المسجد الحرام il y a beaucoup de monde, c'est difficile de empêcher les gens de passer ou de prendre une sutra. فبعض العلماء قالوا أن مكة على un حكم à part. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب السترة بمكة. الإمام البخاري il a cité un chapitre dans son صحيح السترة بمكة. Et il a cité un hadith عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه البطحاء وقد قدمنا أنها بطحاء مكة أي ستأ مكة. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الصلاة et il a placé une chose devant lui comme sutra. Ça nous montre qu'il n'y a aucune différence entre Mecca, le Masjid al-Haram, et les autres endroits ou les autres Masjid. كذلك, on n'a pas de hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié Mecca fi hadha. La. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullah alayhi, كذلك fi al-Fath, fa arad al-Bukhari at-tanbih ala dha'f al-hadith. Yana rubbama ya hadith fi hadha qui différencie entre Mecca ou ghayriha, lakin al-hadith il est da'if. Et l'imam Bukhari souvent dans son sahih, il cite des chapitres pour répliquer un qawl da'if. Imma al-qawl d'un imam, imma hadith da'if. Famatalan huna qal bab as-sutra bi Makkah. Al-Bukhari, rahmatullah alayh, il voulait avec ce bab montrer que ceux qui différencient entre Makkah et autres, ils n'ont pas de dalil. Il a cité ce titre, thumma il a cité hadith Abi Juhayfa. قال الحافظ فأراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة إلى أن قالوا أنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. Donc on soit مكة ou autre, في المسجد الحرام ou autre, on essaye de prendre une sutra tant qu'on peut, et كذلك on empêche les gens de passer entre nous et notre sutra بقدر الاستطاعة. لا شك أن في مكة أحيانا c'est difficile, لكن au moins on essaye et on a cette intention, ils nous font une sutra et personne ne doit passer. كذلك il n'y a aucune différence entre al-rajul wa al-mar'a fi hadhihi al-ahkam. Tout ce qu'on cite l'un, c'est pour l'homme et la femme. Wa al-ulama, il cite une qa'ida mufida fi hadha al-bab, anna al-ahkam al-shar'iyya 'ammatun lir-rijali wan-nisa. Que ça soit salat, que ça soit zakat, que ça soit siyam, que ça soit al-hajj, tous les ahkam, ils englobent l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ils sont concernés, sauf s'il y a un délit qui spécifie un des deux. Et un des deux, il ne doit pas faire, ou un des deux, il doit rajouter, ou un des deux, il doit éviter telle chose. Tout ce qu'on a cité pour sutra, كذلك, c'est pour la femme. فالمرأة في بيتها ولو si elle est seule, elle doit faire salat devant une sutra. كذلك, on a cité la farq bayna al-hadar wa al-safar. Que tu sois en voyage ou résident, فالسutra, elle est wajib. كذلك, il n'y a pas de différence entre le farida ou le nafila. Que ce soit une salat farida ou nafila, le musulman il fait salat en direction d'une sutra. On cite un autre point important, وَهِيَ مَا يَتَعَلَّقْ بِسُتْرَةُ الْإِمَامِ فَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِ. La sutra de l'imam, c'est une sutra pour tous ceux qui font salat derrière lui. Et si tu fais salat en jama'a, que ce soit au masjid ou autre, l'imam il doit mettre une sutra devant lui, et sa sutra, elle suffit pour tout le monde. Aïe, en d'autres termes, on n'a pas besoin de chacun, ceux qui font salat derrière l'imam, chacun doit placer une sutra devant lui. Là, la sutra de l'imam, elle suffit. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه نص على هذا الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. C'est l'avis de la majorité des savants. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم c'était lui l'imam à son époque et il avait une sutra. On a cité quelques hadiths. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a pas ordonné ceux qui font salat derrière lui de prendre une sutra. Ça montre que sa sutra, elle suffisait. Wa hakadha, après lui, alayhi salatu wassalam. Wa fi hadith, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qala qabaltu rakiban ala himarin atanin wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli bin nas bimina ila ghayri jidar. On l'a cité ce hadith. Hey, quand on a expliqué, est-ce que c'est obligatoire, amla? Qala fa marartu bayna yaday ba'di ahli saff nazalt. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, marra, il est venu et il était sur sa monture, sur un âne. Ou le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait salat fémina, c'était lui l'imam. Le sahaba derrière lui. Ibn Abbas, quand il est arrivé, son âne, il est passé entre les rangs. Ça montre un passé entre les rangs de la jama'a, il n'y a aucun mal. Tant que personne passe entre la sutra et l'imam. Ibn Abbas, il est passé entre les rangs. وقال ولم ينكر علي احد et personne a fait une remarque à Ibn Abbas et انه il aurait pas dû passer الى اخره. Ça montre que la sutra de l'imam elle suffit. فمثلا si tu es au masjid et tu dois sortir de la salat pour une raison quelconque, tu as perdu le wudu مثلا, tu as le droit de passer entre les rangs. Et si tu es dans la salat et quelqu'un passe entre les rangs, tu ne dois pas l'empêcher. لأن la sutra de l'imam elle suffit. أهم شيء c'est que personne passe entre l'imam et sa sutra. كذلك si t'arrives en retard et tu passes entre les rangs pour rentrer au bout du rang مثلا فهذا ما فيه شيء. مسألة liée à ce point وإن لم يتخذ الإمام سترة. Et si l'imam il prend pas de sutra. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم أو فإن أخطأوا فلكم وعليهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم أي si l'imam il prend pas de sutra, c'est lui le fautif, c'est lui le responsable et c'est lui qui a délaissé une obligation. أما ceux qui font salat derrière lui, ils ont aucun إثم في هذا. أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه. ففي هذا الحال لا يجب على المأموم أن يتخذ سترة. Si on sait que l'imam مثلا il a pas de sutra, في هذا الحال on n'a pas besoin نحن de prendre une sutra. لأن c'est lui qui doit la prendre. S'il la prend pas, c'est lui qui a délaissé une obligation. أما نحن في الصلاة derrière lui. كذلك si quelqu'un passe entre les rangs, on l'empêche pas. لأن أولا tu peux pas savoir toujours est-ce que l'imam il a une sutra أم لا. ثانيا même si tu le sais, فهذا c'est من شأنه, c'est lui le responsable. مسألة أخرى إذا قام المسبوق يقضي ما فاته فهل يبحث عن سترة أما tant que l'imam il fait salat, la sutra de l'imam c'est pour tout le monde. Un autre cas, celui qui arrive en retard à salat al-jama'a, مثلا il a manqué deux rak'a, que ce soit الظهر, العصر, المغرب, العشاء, il a manqué deux rak'a. Quand l'imam il va sallam, il doit se lever et rattraper ce qu'il a manqué. Fahi hadha al-hal, l'imam, il a fini la salat. Donc, il a plus de sutra. Il est plus en salat. Fah, celui qui est derrière l'imam, fi hadha al-hal, il peut se retrouver dans un cas où il n'a pas de sutra devant lui. Maintenant, la personne qui était devant lui, il est parti. Fahi hadha al-hal, qu'est-ce qu'il doit faire? An sahl ibn Abi Hathma رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أخرجه أبو داود رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné de faire salat en direction d'une sutra et de placer une sutra devant nous. كذلك في هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم أن يدن المسلم منها, أي on doit se on ne doit pas laisser cette sutra loin de nous. Et Inch'Allah, on verra un chapitre sur les distances, la hauteur, la longueur et la distance entre le musalli et la sutra. On cite un deuxième hadith. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزقت بطنه بالقبلة. On a deux hadiths. Un hadith, un Nabi صلى الله عليه وسلم, il nous ordonne de nous rapprocher de la sutra, de ne pas laisser une longue distance. Deuxième hadith, hadith ibn Abbas رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة, il y a une bête qui voulait passer devant lui. نعم. Chatun. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la laisser passer, il s'est collé à un mur, à la qibla. Aïe, sa sutra, c'était un mur. Il s'est collé et hadhihi sha, cette chèvre, ce mouton, il est passé derrière un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam, on a cité ces deux hadiths. Pour deux choses. Fayambari, awwalan, de se rapprocher de sutra. Thaniyan, on l'a cité huna limada, li'anna, si t'as pas de sutra ou t'as plus de sutra, lakin, si tu te rapproches un pas ou deux en avant ou à droite ou à gauche ou en arrière et tu retrouves une sutra, et on a cité l'exemple mathalan wahid qui a fait salat devant toi, il a fini, il se lève et il part. Wa anta, si tu fais deux pas, trois pas, tu prends sa place, c'est un mur devant toi. Fa fi hadha al-hal tayyib anna al-musalli, il se rapproche pour avoir une sutra. قال الإمام مالك رحمه الله كما في شرح الزرقاني على مختصر خليل ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد السلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه. Que ça soit un ou deux pas en avant ou sur ta droite ou sur ta gauche ou derrière toi, tu recules un peu pour te mettre derrière un pilier, مثلاً. Enfin, tout ça, c'est mashrou'. Al-Dalil, on l'a cité. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé fi salat. Al-Ulama, istambatu min hada al-hadith, anna yajouz al-haraka fi salat. T'as le droit de te déplacer fi salat, li haja, pour une raison. مثلاً, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé pour pas que cette bête, elle passe entre lui et sutra. Lianna, une bête, tu peux pas la repousser. La tafam, tu vas la repousser, elle va essayer, hatta tamur. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé, hatta elle passe. Wa hakada, dans ce cas, anna, t'as plus de sutra, fa fi hadha al-hal, yajouz de se déplacer, li anna y a une haja. Khasatan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire salat en direction d'une sutra. Tambihun muhim, huna, anna, yajouz, on a dit, at-taharruk, de se déplacer, lakin, bi shart, المحافظة على القبلة. بعض الإخوان أحيانا يفون une erreur أنهم ils se déplacent et ils sont plus en direction de la قبلة. أما si tu te déplaces quelques pas en avant, il n'y a aucun problème, il y en a la قبلة en face de toi. Si c'est sur ta droite, tu dois laisser ton corps en direction de la قبلة et tu te déplaces هكذا مثلا de gauche à droite ou de droite à gauche. Si c'est en arrière كذلك, tu restes en direction de la قبلة et tu te recules, et même si tu te dirige vers la droite ou vers la gauche, ton corps il est da'iman en direction de la qibla. Li'anna al-ittijah ila al-qibla, c'est un shart fi salat, du début jusqu'à la fin. Hakadha kadhalik, si tu fais salat al-jama'a et ça arrive que devant toi fi saf un musulman parmi les musulmans, il quitte le saf pour une raison, مثلاً il a perdu le wudu. Fa fi hadha al-hal yajouz de s'avancer. On a dit c'est permis de se déplacer fi salat si une haja. Enfin, pour combler le trou de ce saf, il y a juste de s'avancer. Lakin, si مثلاً, c'est à ta droite ou à ta gauche et tu te déplaces et tu tournes ton corps autre que direction de la qibla, fa fi hadha al-hal li'anna, la condition c'est la qibla toute la salat. Fa li hadha, celui qui s'avance c'est celui qui est derrière. Afhum hadha, hadha c'est important huna. Toujours par rapport au masjid, hukm wada قطع من الخشب في المساجد من أجل السترة. هذا سأparu مؤخرا. C'était pas à l'époque des salaf هذا. أنهم الآن dans certains مسجد ils placent des choses en bois pour les prendre comme سترة. Et il y en a plusieurs في المسجد. Enfin, celui qui veut faire salat, il prend cette chose et il la met devant lui. هذا c'était pas connu à l'époque des الصحابة رضي الله عنهم. Alors qu'ils auraient pu le faire. C'est une chose très simple, mettre des morceaux de bois à fil masjid pour s'en servir en tant que sutra, fil salat. Les sahaba, ils l'ont pas fait. Ben, on a des hadiths, ils se mettaient derrière les piliers, derrière les murs, ou derrière, il fait salat derrière son frère. Hada yushtanab. Ça fait pas partie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les salaf, ils l'ont pas fait. فلهذا قالت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب أي دي مخصو دبوا في المسجد ليكون سترة في الصلاة بالمسجد بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه فينبغي عدم التكلف في ذلك كلام طيب أي on a pas besoin de s'imposer في هذا tu fais الصلاة si t'as plus de sutra tu t'avances. Si tu ne peux pas, à ta droite, à ta gauche, derrière. Si tu ne peux pas, فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لِأَنَّ t'es en jama'a et à la base, tu n'avais pas à mettre de sutra devant toi. هكذا, si tu arrives dans un endroit, مثلاً au masjid, on n'a pas besoin de takalluf, de placer ces morceaux de bois pour sutra. Là, il m'a derrière un pilier, il m'a derrière un mur, il m'a derrière ton frère, فَالْحَمْدُلِلَّهِ, tu trouveras un endroit pour faire salat. Si on qadr, tu es dans un endroit, il n'y a pas de sutra, pas besoin de takalluf. Non. Takalluf fi hadha al-hal, c'est de fabriquer ces choses et de les placer au masjid. Ne pas comprendre, tu n'as pas le droit de prendre une sutra en bois. Là, matalan, si on est dans un endroit, il y a un morceau de bois, on le place comme sutra, tayyib. Lakin takalluf, c'est de placer ces choses au masjid, alors que salaf, ils ne l'ont pas fait. La farqun bayna hadha wa hadha. Une autre mas'ala, wada sutra, liman salla bidoun sutra. Si tu vois ton frère musulman qui n'a plus de sutra, ça arrive, ton frère il arrive en retard et il n'a plus de sutra. Et un tas, tu vois qu'il n'a pas de sutra et il ne peut pas s'avancer, il a akhir. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه كما في أسئلة لإخوة من أمريكا وإذا رأيت أخا يصلي بدون سترة وضعت له سترة فهذا أمر إن شاء الله تعالى لا بأس به. Il n'y a aucun mal في هذا. Si tu il y a une chaise ou une table et tu la déplaces un peu pour la mettre en face de ton frère ou tu t'assois et tu deviens la sutra pour ton frère, il n'y a aucun mal fi hada. قال ومن باب التعاون على الخير والتعليم بل ان شاء الله فيه خير وتعاونوا على البر والتقوى. Des autres مسائل liées à la taille, miqdar as-sutra, que ça soit la hauteur, que ça soit la largeur, et كذلك la distance entre le musalli et la sutra. اولا طولها, la hauteur de la sutra. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل رواه مسلم. Ils ont posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم sur la hauteur de la sutra. Ça montre inayat al-sahaba radiyallahu anhum bi al-sutra. Anhum, ils lui posaient des questions sur la sutra, ils lui ont demandé sur la hauteur. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ka mu'akhirat al-rahil. Mu'akhirat al-rahil, qala l'imam Nawawi rahmatullah alayhi huwa al-oud alladhi fi akhir al-rahil. Matalan, sur leur chameau, ils avaient comme une chose pour s'asseoir dessus et il y avait un morceau de bois qui dépassait. المهم c'est un morceau de bois, une certaine hauteur. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والظاهر أن هذا على سبيل التقرب لا التحديد. ابن قدامة رحمه الله il précise أن هذا c'est على سبيل التقرب, et c'est pour te montrer la distance à peu près. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر. كلام جميل. أن ce morceau de bois qui dépasse de cette, c'est comme un siège pour cette monture, فيختلف. واحد il va faire tel centimètre, un autre il va être un peu plus grand, un autre il va être moins grand. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a cité هذا أولا لأنهم ils avaient l'habitude d'utiliser ce siège pour leur monture, et ثانيا c'est pour leur donner un aperçu. أي on n'est pas au centimètre près في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه فما قرب الذراع أجزأ الاستتار به والله أعلم. فالعلماء يزن قدر بالذراع والذراع ما بين طرف الوسطى أي c'est le bout du majeur jusqu'au coude jusqu'à المرفق c'est ça الذراع أي d'ici à ici أي l'avant-bras jusqu'au bout du doigt du majeur enfin, ce tral doit être à peu près de cette taille الذراع un peu plus un peu moins فإنشاءالله الأمر سهل أما quelque chose de vraiment petit مثل الشبر أو أقل أو هذا لا لأن le but de cette sutra c'est qu'on la voie حتى personne passe entre la sutra et المصلي فعلى كل حال cette distance elle est طيبة مثل الذراع أي يقدرون بعض أهل العلم يقولون à peu près à notre époque si on compte en centimètres à peu près 60 centimètres 70 centimètres طيب 50 centimètres لا بس donc الطول تقدم la longueur الآن العرض la largeur قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني فأما قدرها في الغلظ والدقة la largeur l'épaisseur فلا حد له نعلمه فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسم والحربة وغليظة كالحائط أما هذا on a aucun دليل sur l'épaisseur ça peut être très fin comme une flèche et كذلك ça peut être très large très épais comme un mur ففي هذا الحال on a aucun دليل أهم شيء t'as quelque chose devant toi كذلك المهم c'est que ça soit une chose qui est visible أما une chose très fin comme un fil مثلا que personne voit فلا لا يليق للسترة Il faut quelque chose qui est apparent. Amma al-istitar bil-khat, comme a dit dans le hadith, celui qui ne trouve pas une sutra, il fait comme un trait sur le sol. On cite le hadith an Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qali da salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, fa'in lam yajid falyansib asan, fa'in lam yakun falyakhutta khattan. Aïe. Il fait comme un trait sur le sol. قال عليه الصلاة والسلام لا يضره من مر بين يديه. Et s'il fait cette chose, ça ne lui fait aucun mal si quelqu'un passe. هذا الحديث il est ضعيف. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان. Et il est ضعيف. ضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه وكذلك الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. انظر تفصيل هذه المسألة في تمام المنة. الإمام الألباني لا يغض تمام المنة. تعليق على فقه السنة أي لا ديتاي الضعف هناك قال ابن حزم رحمة الله عليه ولم يصح في الخط شيء فلا يجوز القول به نعم الحديث إلى ضعيف إلى ضعيف العلماء إلى ضعف ف on peut pas le prendre comme argument فcelui qui trouve pas de sutra il est dans un endroit il trouve pas de sutra et il a fait des efforts et il trouve rien فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم Si celui qui ne trouve pas d'eau, il est excusé. Annahu, il fait tayammum. S'il ne peut pas faire tayammum, il est excusé. Il fait salat ala kulli hal. Fama baluk as-sutra. Baqiya al-miqdar bayna al-musalli wa bayna sutratih. Al-an, on a fini la longueur. Dhira. On a fini la largeur. Aham shay, ça se voit. Ça peut être très fin, ça peut être épais. Al-an, la distance entre celui qui fait salat et sa sutra. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين المصلي أو كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاء entre النبي صلى الله عليه وسلم et le mur ce mur et il faisait salat devant un mur cette sutra la place pour le passage de Asha Asha c'est un mouton une brebis donc ce passage Ça, c'est le premier hadith. Pour comprendre cette masala, il faut citer plusieurs hadiths. Deuxième hadith, عن Bilal, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أدرع. النبي صلى الله عليه وسلم, il est rentré في الكعبة, il a fait salat en direction du mur, et entre lui et le mur, ثلاثة أدرع. الأدرع, c'est le pluriel de ذراع. Et la distance qu'on a dit entre le bout du majeur et le coude. Madris, ils traduisent par coudé. Al-Muhim, vous connaissez un tome, cette distance. Et le bras, jusqu'au coude. Enfin, trois adru'. Et dans l'autre hadith, mamarsha. La chakana mamarsha, ça va être beaucoup moins. Ça va pas être trois adru'. Ça va être, robbama, même pas un dhira'. Il y en a un petit passage, ça suffit pour qu'un mouton, une chèvre, elle passe. Al-jam'u bayna hadhihi al-ahadith sahlun. العلماء اللي هم démontré منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري فحديث سهل اي لو بروميير محمول على حال السجود اي النبي صلى الله عليه وسلم quand il faisait sujoud entre sa tête et le mur le passage de chat اي pour qu'un mouton il passe on prend l'exemple d'un mouton اي quelques centimètres اما le deuxième hadith hadith Bilal اي entre النبي صلى الله عليه وسلم et le mur ثلاثه اذرع. Si on prend maintenant 50 cm, la distance de 50 cm au 60, ça va faire 1 mètre, si on prend 60, ça va faire 1 m 80. Dans ce cas, mahmoul hadith Bilal, ala al masafa bayna al aqdam wal jidar. Et quand tu es debout, maintenant, si quelqu'un fait salat en direction de ce mur, s'il est prosterné, sa tête elle va arriver là maintenant. Enfin, entre sa tête et le jidar, le passage pour qu'un mouton il passe, une chèvre. Entre ses pieds, il va être beaucoup plus loin, et le mur, thalath à droite. Si tu comptes 3 hagada, 1, 2 et 3, il va être là-bas. Compte à peu près plus de 1m60, 1m70. Al-Muhim, un endroit pour qu'il fasse ce sujoud, et quand il fait ce sujoud, entre sa tête et le mur, il y a un petit passage. C'est ça, al-Sawab, en rassemblant les deux hadiths. Wallahu a'lam. Al-un des masa'il liés al-murur, bayna yaday al-musalli. Aïe, passer entre le Musalli et la Sutra. An Abi Juhaym, Ibn al-Harith, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, law ya'lam al-mar, bayna yaday al-Musalli, mada alayhi min al-ithm, lakana an yaqif 40, khayran min an yamur bayna yaday. Si celui qui veut passer entre un musulman qui fait salat et sa Sutra, il serait le ithm qui risque, et les péchés qui risquent, il attendrait 40. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé 40 jours, 40 ans, 40 mois, il n'a pas précisé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre, annahu c'est haram de passer devant un musulman qui fait salat. Al-hadith, il est fait sahihi. Qal ibn Rajab, rahmatullah alayhi, fil fath, wa hakahu tirmidhi an ahli l'ilm, ay al-karaha. Al-ulama, ils ont démontré, hada, ça montre al-karaha. Ay de passer devant un musulman. وقد حمل إطلاق هؤلاء الكراهة على التحريم لماذا؟ قال فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا. العلماء ils ont dit c'est makruh لكن عند المتقدمين من أهل العلم quand ils disaient الكراهة pour eux c'était التحريم. فنستفيد من هذا أن passer devant un musulman qui fait الصلاة c'est haram entre lui et sa sutra. وقال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في الفتح فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. أما المأموم celui qui prie derrière l'imam, si quelqu'un passe devant lui, فلا شيء عليه. Pourquoi? لأن la sutra de l'imam elle suffit pour tout le monde. Donc quand c'est salat al-jama'a, personne n'a le droit de passer entre l'imam et la sutra. Quand tu fais salat tout seul, personne n'a le droit de passer entre toi et ta sutra. وهناك أشياء تقطع الصلاة أي تبطلها. Il y a des choses, si elles passent entre toi et ta sutra, ta salat elle est batila, tu dois la refaire. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحيل أي السترة المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث اللي في صحيح مسلم. المرأة une femme bien sûr بالغة أما l'enfant c'est autre chose. الحمار un âne والكلب الأسود un chien noir. Une de ces trois choses si elle passe الصلاة elle est باطلة, il faut la refaire. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في النيل حديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة والمراد يقطع الصلاة بقطع الصلاة إبطالها. Les savants ils ont divergé vers le mas'ala. Certains savants ils disent que ça annule pas, d'autres ils disent que ça annule. Wa as-sahih c'est qawl al-imam Shawkan annahu ça annule as-salat. Amma hadith Ibn Abbas al-mutaqaddim ay annahu il est passé devant ceux qui faisaient salat avec son âme. Fa pourquoi leur salat n'a pas été annulé indaman Naam, liana, c'est au salat al-jama'a. Et Ibn Abbas, il n'est pas passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il est passé derrière entre les rangs. Fahada la yadda. Donc, salat en jama'a, c'est autre chose. Et de passer entre les rangs. Baqi al-hadith, Aisha radiyallahu anha fi sahihayn. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه نائمة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفذ الصلاة عائشة رضي الله عنها elle était devant lui allongée, elle dormait. وجاء في الحديث حديث أبي ذر أن la femme s'annule الصلاة. والجواب il est واضح أنه il y a une différence entre passer et مثلا le prophète il a fait un salat devant sa femme Aïcha, elle était allongée. Enfin, ce qui annule la salat, c'est de passer. Comme Bayyana ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, fi zad al-ma'at. Fa'ida, al-mar'a, si elle passe devant une femme, kadalik, ça annule un salat. Ce n'est pas que pour l'homme. Il peut se poser la question. Si une femme, elle passe devant une autre femme, ça annule un salat. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes fi hadhihi al-ahkam, sauf s'il y a un dalil qui précise. مسألة فإن لم يتخذ المصلي سترة فمن أين يجوز له المرور أمامه؟ C'est une question importante هذه. أحيانا ça arrive beaucoup au masjid أن tu trouves واحد من المصلين il fait الصلاة il a pas de sutra devant lui. مثلا واحد il est venu en retard et il rattrape une raka'a, deux raka'a et il a pas de sutra devant lui. وأنت tu veux passer. Est-ce que c'est permis de passer devant lui? Il n'a pas de sutra. Ou tu dois passer où si tu veux passer pour ne pas le gêner, pour ne pas lui couper sa salat. Mais ce qui annule la salat, c'est le mar'a, le himar, le kalb al-aswad. Ça, ça annule la salat. Mais autre, مثلاً, un homme qui passe devant un homme, ça annule pas la salat, mais celui qui passe, il est athim. Et celui qui le laisse passer, كذلك, il n'a pas le droit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est yati ma'ana, inshallah, annahu amrana de repousser. Et on détaillera qalil, inshallah. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا. Il va citer deux points importants pour celui qui n'a pas de sutra. Et pour te donner un aperçu si tu veux passer par où tu dois passer. قال أحدها أو أحدهما. Premièrement, أنه محدود بثلاثة أضرع لأنها منتهى المسنون في وضع السترة. Même s'il n'a pas de sutra, فأنت tu sais la distance الآن. Normalement, il aurait dû mettre une sutra devant lui pour que celui qui veut passer passe derrière la sutra. Il n'a pas de sutra. Lakin nahnu al-an, on sait la distance entre al-musalli et la sutra. On a dit thalathatu adru'. Et la distance trois fois entre ton majeur et ton coude, et ton avant-bras. Fa anta walaw aussi n'a pas de sutra, fa cette distance t'as pas le droit. Mais maintenant, il fait salat ici et normalement sa sutra elle est à peu près huna. Même s'il n'a pas de sutra, on a le droit de passer derrière. En fait, tu t'imagines comme s'il y avait une sutra et tu passes derrière. ثانياً حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره. كذلك. أي, c'est tu peux passer dans un endroit où il peut pas te repousser. مثلاً s'il fait salat ici à ma place et نحن on passe à 3 mètres, à 3 mètres, il peut pas me repousser. Voilà, chaque que c'est permis. Enfin, ces deux points, ça t'aide à savoir est-ce que tu peux passer Amla. Et si tu vas passer à côté de lui et il peut te repousser, fais la yajouz. Voilà, c'est clair, c'est واضح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في حاشية الفتح ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلقي بين يديه السترة سلم من الإثم. الشيخ بن باز رحمه الله عليه montre que plus tu t'éloignes et inshallah tu tomberas pas dans l'ithm. علاش كان très près de lui t'as pas le droit. Qu'il ait une sutra, amla, la yajouz. La chakana, si tu t'écartes très loin, alhamdulillah, t'es loin du ith. Et ahyanan, t'es pas trop sûr, fa écarte-toi. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Qala, salima min al-ithm, li annahu idha ba'uda anhu urfan, la yusamma marran bayna yadayka, alladhi yamur min wara'i sutra. Si tu t'écartes vraiment, et tu passes à une longue distance, et tu ne te rapproches pas de lui pour ne pas lui couper sa salat, et il tombe dans l'ithm, et tu tombes dans l'ithm s'il ne te repousse pas, Inch'Allah, si tu t'écartes, tu t'es écarté de hadal ithm. Baqiya, si wahed il veut passer, entre toi et ta sutra, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم. Hey, si quelqu'un veut passer entre toi et ta sutra, fais repousse-le, ne le laisse pas passer. Si tu le laisses passer, t'es athm. Et lui, il est athm. Tu prends des péchés. Ah, tu le repousses. بِقَدْرِ الْإِسْتِطَاعَ قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري قال أصحاب الشافعي يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل ويزيد بحسب الحاجة. طيب فأو ديبار tu le repousses doucement. لماذا؟ لأن ربما il t'a pas vu. Ça arrive. ربما il pense à une chose, ربما il parlait avec quelqu'un et sans faire exprès il va passer entre toi et ta sutra, fa tu le repousses بالتي هي أحسن. ثم s'il veut repasser هكذا تزيد بحسب الحاجة. أهم شيء tu fais tout pour qu'il ne passe pas et s'il passe فاس لوي الآثم. قال الشيخ بن باز فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن. Tu le repousses de la meilleure des manières. Et là, c'est ton frère musulman. ربما il a une excuse, il t'a pas vu ou un عذر. فإذا غلبه فصلاته صحيحة إلا إذا كان المار كلبا أسود أو امرأة أو حمار. Donc si tu fais tout pour le repousser, لكن il arrive quand même à passer, فالحمد لله ta salat elle est صحيحة. Et c'est lui qui est athm. لكن si c'est une femme ou un chien noir ou un âne, فالصلاة elle est باطلة, tu la refais. فائدة إذا مر من بين يديه وتجاوزه فلا يرده. C'est une faïda طيبة. Si il est passé et ça arrive, هذا أنت t'es concentré dans ta salat et واحد il t'a pas vu et il passe rapidement et أنت au dernier moment tu l'as vu, ففي هذا الحال tu le fais pas repasser. لماذا؟ لأن s'il est passé une fois, فلا ينبغي, tu le refais passer une deuxième fois. بعضهم يستعجل. Et il le prend, et il le refait passer. Là, il est passé une fois, qadarallah. Amma le refaire repasser devant toi, fala. Il y en a une fois, c'est pas permis. Mais ma look deux fois. Wa hada qawl jumhur ahl al-ilm. La plupart des savants, yaqulun bi hada. Anna, tu le fais pas repasser. S'il est passé, c'est trop tard, laisse-le. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi sharh al-mumti' al-ithmu ala al-mar. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص. Si tu as tout fait pour le repousser, قدر الله il est passé, فأنت لا شيء عليك. C'est lui qui prend les péchés et أنت ta salat, la récompense elle diminue pas. Tu comprends من هذا أن celui qui laisse quelqu'un passer alors qu'il peut le repousser, sa salat, la récompense elle diminue. Si c'est une femme ou un chien noir ou un âne, la salat elle a annulé, tu dois la refaire. Une dernière mas'ala fi hada, idha marrat bahima bayna yadayhi wa ma istata'a an yaraddaha wa hakadha at-tifl as-saghir. Ahyanan c'est une chose qui veut passer wa la ta'qil, comme un animal. Enfin, le repousser, probablement il comprend pas, il va tout faire pour passer et anta ça va t'occuper dans ta salat. Kadhalik ça arrive avec les enfants. Les enfants, ils ne comprennent pas. Tu le repousses et Robama, il pleure, il veut tout faire pour passer et il te gêne. Amma un adulte, taqaddam ma'ana. Fa fi hadha al-hal, on a un hadith an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli fa marrat shatun bayna yadayh, fa sa'aha, taqaddam ma'ana, on l'a déjà lu le hadith, fa sa'aha ila al-qibla, hatta alzaqa batnahu bil-qibla. Fa fi hadha al-hal, si c'est un animal, ça arrive. مثلاً un chat, مثلاً ففي هذا الحال t'essayes de le repousser. Si tu vois qu'il va passer et t'arrive pas, avance et colle-toi à ta sutra et fais-le passer derrière toi. وهكذا avec l'enfant. والله تعالى أعلم. Si c'est un enfant petit et il comprend pas ces choses et il veut passer et tu vois qu'il insiste et ربما il pleure et ça te gêne, avance un peu et fais-le passer derrière toi. الحديث قلنا رواه الحاكم وصححه الإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. On conclut cette brève recherche في السترة بباب وهو عن السطر المنهي عنها. Il y a des choses, on ne doit pas les prendre comme sutra. Awalan, on va citer trois choses. Awalan al-qabr, une tombe. Tu ne la prends pas en tant que sutra. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبر ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Ne faites pas salat en direction des tombes et كذلك ne vous asseyez pas sur les tombes. Al-hadith rawah Muslim عن أبي مرثد رضي الله عنه. Deuxième sutra qu'on peut citer, المنهي عنها ما يشغل المصلي عن صلاته. Et une sutra qui va te distraire, qui va t'écarter, qui va t'éloigner de la concentration. Fa évite. An Aisha radiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lamun, yirahmukullah, fa nadara ila a'lamiha nadratan, fa lamma ansarafa qali dhhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahm, ay ila akhir al-hadith, fa innaha alhatni anifan an salati. Fa ce hadith montre anna les choses. Ce hadith montre qu'il y a les choses qui vont nous faire du mal à notre concentration, ils vont nous distraire, enfin, on ne les prend pas comme sutra. Kadhalik, et hada c'est un tambi, celui qui fait salat al-jama'ah, il évite les vêtements où il y a des sourds. Même s'il ne fait pas salat al-jama'ah, lakin fi salat al-jama'ah, achad, lianna, ça déconcentre ceux qui font salat derrière. Fi hada al-hal, la yajouz. Fi hada al-hal, la yajouz, les vêtements avec des sourds. Et كذلك prendre cette sutra avec des soir la yajuz. فما بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم cette chose, il y avait pas des soir muharrama. Lakin ce vêtement, ce tissu, il y avait des choses qui déconcentraient, fa النبي صلى الله عليه وسلم il l'a rendu à Abi Jahm. Il lui a demandé autre chose, li anna Abi Jahm il avait offert au prophète صلى الله عليه وسلم ce vêtement. Wa النبي صلى الله عليه وسلم il l'a porté, ça l'a dérangé في الصلاة, fa il lui a rendu et il lui a offert autre chose. نحن on évite tout ça qui les choses qui déconcentrent في الصلاة. Al-Hadith il est sahih al-Bukhari. Dernière chose qu'on peut citer, une sutra qui n'est pas permise, on ne doit pas la prendre, al-Masahif. Al-Masahif, al-Qur'an. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في لقاء الباب المفتوح لا يجوز أن تجعل المصحف سترة لك لأن هذا استخدام للمصحف في غير ما وضع له المصحف. المصحف n'est pas fait pour ça. واحد مثلا il est fait le masjid, il prend une pile de mushaf, il la met devant lui comme sutra. لا. اولا كما قال شيخ ابن عثيمين المصحف c'est pas fait pour ça. المصحف c'est فيه كلام الله, c'est le Coran. Et on doit lui donner de l'importance, on doit pas le mettre dans un endroit. ربما واحد il vient et sans faire exprès il écrase le mushaf لانهم ils sont sur le sol. هذا لا, on les prend pas en tant que sutra. En tant que sutra. وسلوي كيف ديتاي ما يتعلق بالمصاحف كتاب ابن أبي داود رحمة الله عليه الفيس دي الإمام أبو داود إلى كتاب في المصاحف إلى ستة مسألة. وسلوي كيف ديتاي أكثر لأننا نحن في الحقيقة ونغزمي الوقت ضيق ولكن الحمد لله سكونا ستة فيه كفاية. سلوي كيف لي ريفيرونس أو دي زوتر أحاديث أو دي زوتر بارول دو سافون. فأولا les explications de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. La plupart des hadiths qu'on a cités ensemble, vous avez remarqué qu'ils sont imma fi al-Bukhari, imma fi Sahih Muslim, imma dans les deux. Enfin, en revenant aux explications, khassatan Fath al-Bari lil Hafidh ibn Hajar wa Fath al-Bari lil Hafidh ibn Rajab, il est tayyib jiddan, lakin il a pas terminé rahmatullah alayh. Kadhalik Sharh Muslim lil Imam an-Nawawi, kadhalik Sharh Muslim lil Imam al-Qurtubi. C'est des références, tu trouveras beaucoup de masail sur As-Sutra. Et tu cherches les ahadith fi kitab as-sala, le chapitre de Sutra, et tu trouveras les ahadith avec l'explication des imams. كذلك شروحات بلوغ المرام. Al-Hafidh ibn Hajar, il a un livre célèbre, بلوغ المرام fi al-fiqh, et il a cité un chapitre fi Sutra, et les savants qui ont expliqué ce livre, falhamdulillah, ils ont cité khayran kathira. هذا والله تعالى أعلم. On voulait نبه عن هذه المسألة المهمة لأن بعض الناس بعض المسلمين للأسف ils ont un تساهل في السترة et donnent pas une grande importance, alors que vous avez remarqué que العلماء من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ils donnent de l'importance à cette مسألة السترة. فلعل في هذه الكلمة فائدة ونفع إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن